deuxième temps de notre série Enseigner dans son temps à l'occasion de la Nuit des idées à laquelle participera jeudi France Culture, vous venez de l'entendre, et dont le thème est « Face au présent ». Comment les enseignants et les éducateurs font-ils face au présent ? Depuis hier, la Fabrique de l'Histoire s'intéresse à des révolutions ou des évolutions, des changements de l'enseignement. Avec Anne Cheng, professeure au Collège de France, hier nous avons parlé de l'éducation confucéenne. Demain, nous aborderons le moment où les images mouvantes du cinéma, de la télévision ou des jeux vidéo ont fait leur éruption dans les classes. Aujourd'hui, nous allons nous approcher, grâce à des textes qui seront lus pour nous par Daniel Königsberg, d'un enseignement essentiel mais dont nous ne connaissons pas toujours l'évolution sur 4 siècles, l'enseignement des jésuites. Nous le ferons en compagnie de Philippe Rocher, les docteurs en histoire et auteur chez Beauchesne de Goût de l'excellence, 4 siècles d'éducation jésuite en France, et également de Bruno Pousset, les professeurs en sciences de l'éducation à l'université de Picardie-Jules Verne au laboratoire CAREF. Et cette discussion sera prise en note, ça sera la nouveauté de ce jour ainsi que des émissions de demain et après-demain, un nouveau style de prise de notes, pourrait-on dire, le sketch note par un professeur qui sera donc dont le dessin sera mis en ligne ce soir sur le site de la Fabrique de l'Histoire, le sketch note, aujourd'hui par Caroline Jounot-Sion. C'est un métier à vous rassasier de dégoût, d'ennui et de soucis que celui de discipliner, d'instruire et de diriger une cohue de gosses qui, par nature, sont légers, instables, bavards, revêches au travail, à tel point que les parents eux-mêmes ne peuvent pas les retenir à la maison. Que s'ensuit-il ? Nos jeunes pères de la compagnie, occupés à cette formation, mènent une vie qui les éprouve extrêmement, qui use leurs forces et abîme leur santé. Bien plus, il en est parmi eux qui, doués d'un remarquable talent, pourrait faire de grands progrès dans les sciences. Bonjour Bruno Pousset. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et bonjour à vous Philippe Rocher. J'ai tiré cet extrait de votre livre « Le goût de l'excellence » paru chez Beauchesne en 2011, 4 siècles d'éducation jésuite en France, qui est le Pierre Ribadeneira dont il est question, puisque c'est lui qui écrit ce petit bout de texte qui n'a pas l'air très sensible à la joie de l'enseignement en tous les cas. Pierre Ribadeneira, c'est un biographe, le biographe autorisé de Ignace de Loyola. C'est un jésuite de la seconde génération et qui prend en compte le problème de l'éducation, l'enseignement en particulier, qu'on impose aux jeunes jésuites et qui n'est pas forcément une sinécure. Oui, et en particulier cet enseignement face à des gosses qui par nature sont légers, instables, bavards, revêches au travail. Et c'est très étrange un texte comme celui-ci, alors que effectivement les jésuites passent pour être un ordre qui, pendant très longtemps, a fait fonction justement d'enseignement. Oui, mais il faut considérer que le projet initial de la Compagnie de Jésus, ça n'est pas d'enseigner. L'ambition d'Ignace de Loyola, c'est d'être d'abord un apôtre, d'aider les âmes. C'est un homme déjà formé, hein, qui devient religieux, jésuite à partir de 1540, on y reviendra. Mais le projet n'étant pas forcément d'enseigner, mais de se former. Et donc le projet initial, c'est de former de jeunes religieux. Et on va y adjoindre ensuite des élèves qui ne se destinent pas à être jésuites et qui... d'une certaine manière, ne sont pas forcément très disciplinés ou très désireux d'entrer dans la discipline religieuse qu'on veut donner aux futurs religieux. Oui, parce que c'est un peu l'ambiguïté de ce début de la Compagnie de Jésus, donc fondée par Ignace de Loyola, que d'être à la fois dans le monde, de la volonté effectivement de forger des individus dans la religion, et en même temps, donc peut-être d'avoir été sollicité assez rapidement par des institutions, la papauté d'abord, mais également des grands seigneurs, pour pouvoir justement mettre en application ce qu'on appellera, et on va le qualifier d'ici peu, la ratio studio room, donc une manière peut-être d'enseigner qui va se forger dans les premières années du XVIe siècle, Philippe Rocher. Ignace est un pragmatique. C'est quelqu'un donc qui a eu un passé de gentilhomme, un batailleur, qui est blessé, qui opère une sorte de conversion, qui lit des textes héroïques, la vie de François d'Assise par exemple, et qui voudrait aller conquérir le monde. Et puis il répond à une attente, parce qu'on est dans ce temps au XVIe siècle de controverses religieuses d'abord, mais aussi de l'apparition d'un nouveau mode d'enseignement, et il va engager l'ordre qu'il crée avec ses compagnons dans cette activité d'abord d'éducation qui va devenir ensuite une activité d'enseignement, ainsi que les choses se produisent. L'enchaînement. Oui, tout le monde ne sait pas, Bruno Pousset, que c'est jésuite qui s'instaure, donc dont la compagnie va s'instaurer dans cette première moitié du XVIe siècle. Donc que ces jésuites ont d'abord une forge, pourrait-on dire, éducative du côté de la France et en particulier du côté de Paris. Oui, alors ce qui est intéressant, je reviens un tout petit peu en arrière sur le texte concernant la difficulté d'enseigner, finalement, c'est un texte qui résonne de façon remarquablement contemporaine et on pourrait le lire aujourd'hui sans trop de difficultés. Alors, c'est vrai que Ignace de Loyola a commencé, je dirais, à organiser sa compagnie avec quelques compagnons à Paris, à Montmartre exactement. Et il avait été élève aussi dans l'université, et il a repris, alors, comme le disait Philippe Porcher, c'est un pragmatique. Ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que ce n'est pas un pédagogue au sens où il aurait eu une doctrine précise en matière d'enseignement. C'est quelqu'un qui va reprendre des idées qui sont présentes à l'esprit, qui sont présentes à l'époque, qui va les rationaliser, les organiser. Par exemple, la création de ce qu'on appelle la classe, l'organisation d'une classe en équipe, etc., avec le principe fondamental de l'émulation, eh bien cela, il va le mettre en musique. Et puis surtout, alors je ne sais pas, la ratio studiorum, par exemple, va être non pas un programme, car à l'époque, on ne parlait pas vraiment de programme, mais une organisation, chose qui ne se faisait pas à l'époque. Oui, alors, avant d'en venir justement à la création et l'invention de cette ratio studio room, avec vous, Philippe Rocher, qu'est-ce que ce modus parisiensis sur lequel se fonde justement Ignace de Loyola, jeune étudiant, donc arrivant à l'Université de Paris, qui, il faut le dire, à l'époque est encore très prestigieuse, justement, qu'est-ce que ce modus parisiensis dont il va retirer quelques principes pour pouvoir forger justement cette façon d'enseigner qui va être mise en œuvre ensuite. Alors, Ignace va faire avec ses compagnons, d'ailleurs, une part de ce qu'il a reçu comme étudiant. Il est venu à Paris pour éviter les ennuis de l'Inquisition en Espagne, parce qu'il est un peu considéré comme un illuminé, regardé comme une sorte de mystique. Et il arrive là pour apprendre le latin, pensant que une culture permettrait de répondre aux critiques qui sont faites contre son désir d'apostolat. Et il trouve à l'université la manière d'apprendre la langue latine, de suivre le parcours habituel de l'apprentissage de la langue jusqu'à la rhétorique, qui ensuite débouche entre autres sur la dispute, le fait de pouvoir convaincre et de récapituler son savoir, ce qui débouche encore à cette époque sur la théologie. Donc il reprend à son compte ce qu'il a suivi comme étudiant, sachant qu'un peu plus tard, il fera quand même la part de ce travail qu'il appelle un peu excessif et qui est usant, parce qu'on travaille pendant presque 9 heures à l'époque à l'université, et il introduira entre autres aussi des activités où on laisse une place au corps, la récréation, la détente, qui sont pour lui aussi un des aspects. Donc il fait vraiment, il fait une sorte de filtre, disais qu'il est un pragmatique, mais il est capable aussi de faire un filtre entre ce qu'il a reçu, ce qui existe, ce qui est nouveau à l'époque, hein, au XVIe siècle, et bien qu'il va parfaire ou améliorer pour laisser un peu plus à côté de l'âme une place au corps. Alors comment ce gentilhomme basque, donc qui fait la guerre, qui se bat et qui en est blessé, qui va devenir une sorte de mystique dans différents voyages, en particulier à Jérusalem, est-il convaincu qu'il va devoir justement faire ce travail de constitution d'un ordre avec justement ce qu'on appelle les constitutions, en l'occurrence Philippe Rocher? Alors pour être assez rapide, donc il est blessé en 1521, il a une longue convalescence, il a des lectures qui l'amènent vers la géographie, les récits des parcours héroïques de saints qui l'ont précédé. Mais Jacques de Voragine en particulier. Voilà, il rêve d'aller à Jérusalem, évidemment, de libérer le temple. On est vraiment dans l'habituel récit quasiment des croisades. Il a quelques difficultés, il fait comme un séjour en 1523, puis revenu en Europe et réunissant ses amis étudiants, il se retrouve à Rome, bon, est en difficulté pour s'embarquer, et finalement décide de placer la petite compagnie qui est en train de se créer sous l'autorité du pape, en demandant au pape qu'il désigne finalement le projet ou la mission qui est à accomplir. Et c'est au travers de cette mission-là, qu'il considère qu'il faut donner les meilleures forces pour qu'elles soient les plus efficaces. Il y a une sorte de règle de l'efficience. Il faut engager les hommes là où ils peuvent être les plus efficaces dans leur apostolat. Et la demande qui est faite à la compagnie, assez rapidement, c'est d'ouvrir les collèges dans lesquels il n'y avait que de la formation de jeunes jésuites, d'ouvrir des collèges à des non-jésuites, à ce qu'on appelle les externes. Et donc, c'est ce qui a lieu à Messine en 1548. Messine d'abord, ensuite 3 ans plus tard donc à Rome, et puis ensuite avec beaucoup de difficultés, on y reviendra avec vous deux, Bruno Pousset et Philippe Rocher, beaucoup de difficultés, une installation dans le royaume de France, mais beaucoup de résistance. Mais d'abord un extrait justement de ces constitutions, donc qui sont la charte, pourrait-on dire, de cet ordre en train de cette compagnie de Jésus en train de se créer. Le but de la doctrine qu'on apprend dans la compagnie étant d'aider avec la faveur divine son âme et celle du prochain, c'est d'après cette norme qu'on décidera, en général, et pour chacun en particulier, des matières que les nôtres doivent étudier et jusqu'où ils doivent y avancer. Et pour parler d'une manière générale, comme on trouve une aide dans les humanités de différentes langues, dans la logique, dans la philosophie et la morale, dans la métaphysique, dans la théologie scolastique et positive dans l'écriture sainte, ce seront ces matières-là qu'étudieront ceux qu'on envoie dans les collèges. Ils s'appliqueront avec plus de soin à ce qui convient davantage au but indiqué, étant attentifs aux circonstances de temps, de lieu, de personne, selon ce qui, en notre Seigneur, paraîtra convenir à celui qui en aura la responsabilité principale. En particulier, ce que tel sujet ou tel autre doit étudier sera laissé également au discernement des supérieurs. Cependant, plus celui qui en aura l'attitude acquérera de solides fondements dans les matières indiquées, mieux ce sera. Pour ce qui est du temps qu'il faut consacrer à une matière, et quand on doit passer à une autre, c'est au recteur de le voir et de le fixer par un examen approprié. Dans chaque matière, on devra suivre la doctrine la plus sûre et la plus approuvée, ainsi que les auteurs qui l'enseignent. Les recteurs y seront attentifs en se conformant à ce qui est décidé dans la compagnie universelle pour une plus grande gloire divine. Voilà un extrait des constitutions dans cette émission de la Fabrique de l'Histoire qui s'intéresse à la façon dont on éduque dans un moment donné, et en l'occurrence aujourd'hui nous nous intéressons à la façon dont Ignace de Loyola et ses compagnons jésuites donc créèrent la Compagnie de Jésus, mais également les instituts d'enseignement qui sont liés à cette même compagnie. Bruno Pousset, vous avez choisi ce texte pour qu'il soit lu dans notre émission d'aujourd'hui, ce texte des constitutions. Donc que dit-il? On a l'impression qu'il y a une forme, mais qu'elle est encore à remplir d'une certaine façon. Oui, il faut bien se rappeler une chose, Il y a le constat de la difficulté d'enseigner. Et donc la question est de savoir comment faire face le mieux possible à cette difficulté qui est toujours présente. Et c'est normal, c'est pas évident de se plier à une discipline qui est l'enseignement. Alors il y a deux points importants. Ce que souligne le texte, c'est qu'il faut être compétent et pas simplement raconter quelques idées mysticaux. Et d'autre part, il faut être organisé. Compétent et organisé, et au service de Ad Majorem Dei Gloria, faut pas l'oublier. Et donc, les jésuites vont essayer de regarder ce qu'il y a autour, ce qui existe déjà, et l'adapter. Ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que la ratio, si on peut en parler déjà un petit peu, de 1599, cette ratio... Qui est plus tardive et donc après la mort d'Ignace. Voilà, et parce que Ignace lui-même n'était pas, comme l'a rappelé Philippe Porcher, n'était pas sur la position de créer des établissements ouverts à un public non jésuite. C'était un lieu de formation pour les jésuites. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire plutôt? Ils vont essayer, donc, d'une part, de prendre ce qui était le plus intéressant, et vont surtout faire de l'expérimentation pendant 20-30 ans. Il y a, oui. Entre 1540 et 1599, il y a presque 50 ans de préparation de cette Ratio Studiorum qui va enfin, disons, être adoptée en 1599 et s'imposer dans tous les collèges. Mais en sachant qu'elle laisse toujours une marge de manœuvre au recteur, au préfet, etc. Alors il faut dire, Philippe Rocher, combien cette période, et vous l'avez évoqué très brièvement au tout début de cette émission, est bousculée. On est en pleine guerre de religion en France, mais dans le reste de l'Europe également, de conflits entre la religion réformée et la papauté et le catholicisme, qui va devenir le catholicisme en l'occurrence. Et là, évidemment, la place de cette Compagnie de Jésus va être essentielle, surtout aux côtés de cette papauté qui se voit également bousculée par des souverains européens qui ne veulent pas se voir imposer forcément cet ordre, cette Compagnie de Jésus dans leur propre royaume. Oui, alors ce qu'il faut voir dès l'origine, c'est que l'intention première de la compagnie, c'est l'instruction religieuse, c'est le catéchisme, précisément pour répondre aux controverses d'ordre religieux. Ce que je voulais dire, je fais un petit retour en arrière quant à la Ratio Studiorum, dans les constitutions, il y a une sorte de pressentiment de ce que va devenir la compagnie. C'est vrai que Ignace meurt en 1556, donc il ne verra pas l'élaboration complète de la dernière ratio, il y a une version de 1586, qui est intermédiaire, faite d'un aller-retour d'ailleurs entre ceux qui expérimentent sur le terrain et ceux qui rédigent ou tentent de mettre en forme cette organisation de l'enseignement. Il y a un événement qui est fondamental, évidemment, c'est le Concile de Trente. Bien sûr. C'est la réponse de... On est 1545-1563 pour les sessions. Et c'est là, d'ailleurs, à ce moment-là, que... on admire au sein de la papauté la prestance et puis le haut niveau intellectuel de certains jésuites qui sont les conseillers des évêques. Et c'est à partir de là que vraiment l'ordre s'impose comme étant, d'une certaine manière, l'ordre des intellectuels, même si le mot est à mettre entre guillemets, bien sûr, les intellectuels de la papauté. Et que quelques princes vont vouloir attirer dans leur royaume ces hommes, leur confier l'enseignement pour, évidemment, faire pièce à controverses religieuses. C'est un peu comme ça que les choses se mettent en place. Il y a une réponse du temps, mais évidemment la réception est une question fondamentale parce que tout le monde à la base n'a pas envie de voir arriver un ordre religieux d'intellectuels, surtout capable de tenir de brillants discours. Oui, avec en particulier cette maxime, pourrait-on dire, qui peut servir de boussole pour comprendre ce qu'est cet enseignement. Accommodez-vous aux choses et ne prétendez pas qu'elles s'accommodent à vous. Avec cette idée qu'effectivement, l'endroit où on arrive, eh bien, il faut à la fois savoir ce qu'il y a autour, l'environnement, et faire en sorte justement de ne pas brusquer, même si souvent ces établissements jésuites ont pu apparaître comme brusques dans la façon de mettre en place l'apprentissage théologique ou l'apprentissage donc des savoirs communs, pourrait-on dire. Mais néanmoins, il y a cette idée qu'il faut comprendre l'endroit où on se trouve, ce qui servira ensuite de critique principale, justement, contre cette Compagnie de Jésus, Philippe Rocher. Oui, avant même d'en arriver à Pascal, à cette célèbre controverse, dans le texte qui a été lu, il est question de circonstances, de temps, de lieu et de personne. Il y a aussi toute la dimension d'adaptation à la personne. On parle du supérieur, du recteur. Les deux fonctions sont un peu différentes, pas toujours mêlées. Le recteur, c'est celui qui dirige un établissement, tandis que le supérieur, c'est celui qui est à la tête d'une communauté. Mais il est bien dit qu'il faut individualiser l'enseignement, essayer de suivre le progrès des formes. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui est neuf et nouveau. On est dans un temps aussi de développement de l'humanisme, mais d'un humanisme qu'on veut voir emprunter plutôt le chemin du christianisme, de la vertu chrétienne. C'est ça, c'est cette idée tout de même, et on ne l'oublie jamais, ni dans le texte des Constitutions, ni dans les correspondances d'Ignace de Loyola, ni dans d'autres écrits, effectivement, ce à quoi servent ces institutions d'éducation ou d'enseignement, Bruno Pousset. Oui, c'est... Donc il y a bien cette reconquête, et ils utilisent les outils de l'époque pour affirmer cette reconquête. Ainsi, il y a des aspects qu'il faut surtout pas oublier, c'est que les jésuites vont insister beaucoup sur la part de rhétorique, sur le théâtre, sur les images, les emblèmes. Ils vont, et on entre dans la perspective de l'art baroque, en fait. Mmh. Et lorsque, au siècle, au début du siècle suivant, vous allez avoir des églises avec, qui chantent la gloire de Dieu. Mmh. Et ce qu'ils vont essayer de faire dans leur enseignement, c'est d'apprendre aux jeunes qui suivent leur enseignement d'être les champions de cela. Oui, on a un comédien avec nous, un homme de théâtre, Daniel Koenigsberg. Vous vouliez poser une question à nos invités, justement, sur cet usage du théâtre qui va être mis en œuvre par les jésuites. Oui, ben c'était aussi pour relancer monsieur. Je crois qu'ils se sont vraiment intéressés à l'art de l'acteur, posant le problème de la mémoire et réinstaurant les arts de la mémoire. Oui, alors il faut savoir que... En principe, chaque semaine, il y avait ce qu'on appelle la fameuse disputatio. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait une controverse publique. Alors, c'était dans les classes avancées, pas dans les petites classes. Dans les classes avancées, vous aviez les élèves qui défendaient une thèse devant les professeurs, devant les parents d'élèves. C'était une sorte d'attraction culturelle dans la ville. Il y avait des affiches qui étaient apposées sur les murs, prévenant qu'il y allait avoir exercice. Alors, il y a un mot important qu'on oublie toujours. Ignace de Loyola a écrit les fameux exercices spirituels. Eh bien, faut pas oublier que dans l'établissement, on pratique, on fait des exercices. C'est-à-dire que chaque fois, par rapport à la situation antérieure dans l'enseignement, où vous aviez essentiellement le maître qui parlait, il y a un aspect totalement nouveau qui est mis en œuvre. Ils essaient de faire en sorte que l'élève travaille lui-même, s'exerce à mettre en œuvre ce qui était proposé par le maître et créer à son tour. Et ça va aussi se traduire dans le théâtre, etc. Voilà donc ce qu'écrivait donc ce texte des Constitutions à propos de cette fameuse disputatio, la dispute. Étant donné l'utilité des exercices de dispute, spécialement pour ceux qui étudient les arts et la théologie scolastique, les étudiants assisteront aux disputes ou aux cercles ordinaires des écoles qu'ils fréquentent, même si celles-ci ne sont pas de la compagnie elle-même. Ils tâcheront de se distinguer à la fois par leur science et par leur modestie. Il est bon qu'il y ait dans le collège, chaque dimanche ou un autre jour de la semaine, à moins d'une raison spéciale qui l'empêche, après le repas de midi, un étudiant de chaque classe des arts et de théologie qui soit désigné par le recteur pour soutenir quelques thèses. Il les affichera la veille dans l'après-midi à la porte des écoles pour que ceux qui le veulent viennent participer à la dispute ou viennent l'écouter. Après que chacun ait brièvement prouvé ses thèses, ceux qui le veulent, venant de l'extérieur ou de la maison, argumenteront. Quelqu'un présidera pour diriger ceux qui argumentent, pour résoudre les difficultés, tirer au clair le point de doctrine dont on traite afin que cela serve aux auditeurs. Et il donnera à ceux qui disputent le signal de la fin en répartissant le temps de manière à ce qu'il y ait place pour que tous puissent disputer. Outre les deux genres de disputes dont il a été parlé, chaque jour, il faudra encore indiquer une heure pour disputer dans les collèges, sous la présidence de quelqu'un, comme il a été dit, afin de mieux exercer l'esprit et éclairer les points difficiles de ces matières à la gloire de Dieu notre Seigneur. Philippe Rocher, cet extrait des Constitutions revient sur ce que nous disait à l'instant même Bruno Pousset, sur l'importance de cette dispute qui existe dans les universités médiévales, et en particulier l'Université de Paris. Vous dites dans votre livre « Le goût de l'excellence », Philippe Rocher, chez Beauchesne, que ce modus parisiensis, c'est-à-dire cette façon d'enseigner à la parisienne, pourrait-on dire, du Moyen-Âge et de la sortie du Moyen-Âge, a aidé à constituer cette façon de faire, en particulier de relation entre le maître et l'élève, puisque, dites-vous, il y a un double apprentissage du professeur et de l'élève. Le premier apprend à enseigner en enseignant, et le second assimile son savoir en le répétant à ses condisciples sous la conduite de ce même maître, ce qui est une révolution, pourrait-on dire, en termes d'enseignement à ce moment-là, en tout cas au niveau où on exerce et où on apprend. Oui. Une fois encore, Ignace et ses compagnons empruntent à ce qu'ils ont connu. Faut s'imaginer des classes très très nombreuses, en particulier des d'étudiants. Et donc, pour arriver à manœuvrer un tel groupe, d'abord le professeur, ce qu'on appelle le scolastique, le plus souvent qu'on dira ensuite régent, qui apprend aussi à devenir enseignant, est obligé de s'assurer le concours de certains jeunes élèves capables de répéter ensuite à leurs élèves. Parce que quand vous avez une classe de 200 voire 300 élèves que vous devez manœuvrer, une véritable division, et évidemment vous ne pouvez pas seul répondre à la demande. Alors souvent il y a ce qu'on appelle au départ une sorte de prélection, d'explication par le professeur. Le professeur lit le texte et le commente en même temps qu'il le lit. Voilà. Et puis, évidemment, il faut une restitution. Il faut pouvoir évaluer la réception de ce discours-là. Et donc, il y a des élèves un peu plus avancés, ou en tout cas par petits groupes, qui travaillent à cette restitution. Et puis là, on a évoqué ce qu'on appellera la concertation, la dispute. On organise de manière un petit peu artificielle en deux camps des joutes verbales. Et d'écurie, c'est ça ? Voilà. Où il s'agit des équipes un peu de sur 10. Le modèle. Voilà, sur le modèle de l'Antiquité romaine, évidemment, il s'agit d'organiser des joutes oratoires entre les partisans de deux camps qui veulent défendre l'une ou l'autre thèse. Ce que je veux dire au passage, c'est qu'il y a une organisation avec des classes qu'on appelle le grammaire inférieur, la rhétorique avec la première actuelle, disons, et puis ce qui serait notre classe de baccalauréat, le terminal, évidemment, marque l'entrée dans la théologie. D'où ces questions de doctrine et de dispute. Parce qu'il y a bien une vérité qu'il s'agit de pouvoir défendre. Au début, c'est la technique qui prime. Et ensuite, ce sera le fond. Et puis l'alliance du fond et de la forme. Oui, donc une manière, effectivement, de travailler à la progression des élèves. C'est cela que vous notez, Philippe Rocher. Bruno Pousset, justement, sur cette manière d'inventer en marchant, puisque vous l'avez bien dit tout à l'heure, il faut un siècle pour mettre en place cette ratio studiorum entre la naissance d'Ignace de Loyola. Bon, c'est bien plus tard qu'il crée la Compagnie de Jésus, mais disons, il faut un bon demi-siècle pour que on mette en place, finalement, la manière dont on va enseigner dans l'ensemble des établissements donc qui sont sous la coupe de cette compagnie. Alors, il y a à la fois, on l'a souligné, la question d'organiser un enseignement qui puisse donner, j'ai d'aller lire, la bonne doctrine pour que, à la suite du Concile de Trente, donc elle a été fait allusion tout à l'heure, mais il y a un autre aspect sur lequel il faut bien se pencher, c'est qu'au fond, ces jésuites essaient de se situer aussi dans un univers qui est en train de se transformer. C'est les universités. Les universités sont dans leur phase déclinante, en fait. Et ils participent, il y en a d'autres avant qui ont commencé, à inventer cette nouvelle structure qui est l'ancêtre de notre enseignement secondaire, qui s'appelle le collège, tout simplement, et qui se détache de l'université, parce que je vous rappelle que la Sorbonne, ça s'appelle le collège de Sorbonne. Ça se détache de l'université, ça devient une structure autonome qui prépare les élèves à entrer dans les facultés supérieures, et ça va devenir, ça s'appelle la faculté des arts, va devenir le collège, en fait. Et ensuite, on fait théologie, etc. Mais vous avez par exemple une graduation dans l'enseignement. Par exemple, l'enseignement de la philosophie, tel qu'on l'appelle à l'époque, dure 3 ans. Mmh. Parce que progressivement, et on ne fait la métaphysique que la dernière année, pour peu à peu s'imprégner des éléments fondamentaux de la connaissance. Alors, qu'est-ce qui explique la place que prennent, Philippe Rocher, les grands anciens, les antiques, pourrait-on dire, c'est-à-dire ceux qui, Michel Tournier le citait dans Le Vent Paraclet, et vous le citez dans votre propre livre, Le Goût de l'Excellence, eh bien, c'est un univers totalement inactuel où on parlait latin et dont les habitants s'appelaient Socrate, Nestor, Alexandre, Cincinnatus et Démosthène. C'est ainsi que Michel Tournier évoquait l'enseignement des jésuites. C'est pourquoi, justement, autant d'importance donnée à l'Antiquité classique, en l'occurrence. C'est l'héritage de cet humanisme dans lequel a baigné, justement, la naissance de cet ordre et de cette compagnie de Jésus. Voilà, c'est effectivement ce grand mouvement humaniste qu'on trouve à la fin du Moyen-Âge, mais qui pose problème à ces réformateurs religieux, dans la mesure où, évidemment, l'Antiquité classique, elle n'est pas chrétienne. Et donc, il s'agit de retourner les éléments de la modernité, de cette modernité qu'est l'humanisme, pour essayer de la christianiser. Mmh. Et ce qui est très intéressant pour les jésuites, c'est de retrouver dans les auteurs classiques, Cicéron évidemment est le premier en tête, de retrouver les techniques oratoires. Donc, on utilise ce que l'Antiquité et ce porte la culture de l'Antiquité peut être remis au goût du jour, une fois encore, pour faire passer la vertu au travers des lettres, mais des lettres classiques. Mmh. Donc on est dans un monde où il est interdit de parler, ça viendra un peu plus tard, parce qu'on est toujours dans la logique de l'adaptation. Oui, bien sûr. Un siècle plus tard, on arrivera au français, mais un très bon niveau de français, sachant qu'il... toujours, c'est l'art oratoire et la capacité de convaincre son interlocuteur. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est que, étant formé à Paris, comme vous nous l'avez expliqué au tout début, Philippe Rocher, Ignace de Loyola et ses compagnons qui font ce serment de créer une petite compagnie du côté de Montmartre, qui sont d'ailleurs presque tous des Espagnols comme lui, eh bien, on pourrait imaginer qu'ils vont demander à créer des collèges très rapidement en France et à Paris en particulier. Qu'est-ce qui va les empêcher de développer leur compagnie sur le sol français, le Parlement de Paris en particulier, Philippe Rocher? Oui, alors il faut savoir que l'université du Moyen-Âge, elle est accompagnée de collèges qui forment les nations de l'époque. Et effectivement, les ressortissants espagnols formaient une communauté en soi, donc ce qui était d'ailleurs pas toujours bien vu, puisqu'il existe aussi des rivalités militaires, faut pas l'oublier, on est dans un contexte aussi de rivalité pas toujours religieuse. Entre puissances européennes, oui. Voilà, où le religieux sert aussi à exacerber un peu les rivalités. Bah d'ailleurs, les Espagnols devront quitter à un moment Paris, parce que le conflit entre François Ier et Charles Quint sera trop important, et ils vont se réfugier, pour certains d'entre eux, à Louvain, c'est cela? Voilà, exactement. Et donc, quand le désir de créer un collège prend forme ou prend corps, il faut trouver des autorités locales susceptibles d'accueillir. Alors, c'est au moment du concile, une fois encore du concile de Trente, que un évêque, l'évêque de Clermont, voyant ces éducateurs, ces prédicateurs aussi brillants, souhaiterait les faire revenir dans le royaume de France. La difficulté, c'est que Paris n'en veut pas. Paris a une sorte de tradition et voit d'un très mauvais œil ces Espagnols qui, en plus, donc, sont des militants du pape extraordinaires. On verra un peu plus tard que le gallicanisme a continué, vous parliez du Parlement, évidemment, à refuser ce côté, je dirais, méditerranéen du christianisme, avec une tradition proprement française. Et on va devoir faire un détour par Clermont, Billon, proche de en Auvergne, pour ouvrir le premier établissement et ensuite pouvoir le transporter à Paris. Donc on passe d'abord par la périphérie avant d'aller vers le centre intellectuel parisien qui avait été le creuset de formation des jésuites. Instruction. Parce qu'il faut que les évêques imposent aux institutions françaises la présence des jésuites comme enseignants. Instruction pour ceux de la compagnie qui sont envoyés à Clermont, au collège de Billon, justement, le 11 mai 1556. Ce collège se situe donc un peu à l'écart de Clermont. C'est une ville importante au Moyen-Âge, mais qui est en profond déclin, où justement l'évêque de Clermont a décidé d'installer le premier collège jésuite en France. plus les nôtres seront meilleurs eux-mêmes, plus ils seront des instruments de la grâce divine capables d'aider les autres. Que chacun, dès lors, purifie son intention, de façon que tous cherchent totalement, non leur intérêt, mais ceux de Jésus-Christ. On doit avoir soin que les nôtres se conservent et croissent dans l'esprit, dans les lettres et en nombre. Que le supérieur veille à ce que tous les nôtres se conservent en santé, avec les forces corporelles que demandent les fatigues du service de Dieu. Dans ce but, qu'il ne les laisse pas trop se fatiguer dans les études, ni non plus dans leur dévotion ou exercice spirituel pour aider les âmes, mais que tout soit modéré selon les personnes, le lieu et le temps. Qu'on institue un préfet de la santé qui veille à la conservation de celle-ci, en plus de l'infirmier, qui soignera les malades, dont on aura d'autant plus spécialement soin qu'ils ne manqueront pas de médecins, ni de ce que celui-ci aura prescrit pour soutenir leur santé. C'est donc grâce à l'évêque de Clermont, Guillaume Duprat, qui avait croisé des jésuites lors du concile de Trente, que ce premier collège, ce collège de Billon, collège jésuite, donc, est implanté à Billon, tout près de Clermont. En 1556, Bruno Pousset, on voit qu'il y a toujours des réticences à l'arrivée d'un nouvel ordre. On se dit tout compte fait, quand on est un ordre déjà installé dans un territoire donné, eh bien, on n'aura pas, on va devoir partager le gâteau en une part de plus. Ça va être compliqué. Ceux qui ont de l'argent vont devoir en donner à ce nouvel ordre, et tout cela va nous empêcher de continuer notre façon d'être et de faire dans ce territoire. Et là, c'est ce qui se passe avec les jésuites. Oui, mais les choses vont très vite se décanter pour eux, car ils vont bénéficier d'une situation finalement favorable. À savoir que les collèges qui existaient sous l'égide des évêques la plupart du temps dans les villes plus ou moins importantes ont des difficultés de fonctionnement. Les jésuites arrivent avec quelque chose qui est nouveau par rapport à la situation à l'époque, c'est qu'ils forment leurs professeurs. Dans cette espèce de... Ils ont leur propre SP, quoi. Ils ont leur si on veut, leur voilà. Institut de formation qui va permettre de donner une norme à chacun des professeurs. Et alors ça, un peu plus tard, on aura la même chose pour les gens, les Lassaliens, c'est-à-dire les frères des écoles chrétiennes. Là aussi, eux vont organiser une formation. Et ça, je pense que c'est le point essentiel qui va permettre très rapidement aux municipalités, aux évêques, de faire appel, après avoir vaincu les oppositions et les réticences du Parlement, faire appel aux jésuites. Et au début du XVIIe siècle, beaucoup d'anciens collèges deviennent des collèges jésuites. Et ils rencontrent un grand succès à cause justement de leur capacité à être rigoureux, à bien former, à proposer quelque chose et avoir des professeurs qui sont des intellectuels en fait. Oui, et puis Philippe Rocher, on va séduire des classes supérieures de la société de ce temps en l'occurrence. Parce que ils voient bien là que pour leurs propres enfants, on peut être formé. Il y a cette question de l'externat qui est très important. Il y a aussi cette idée que, et c'est ce que voulait au départ, que ces collèges, Ignace de Loyola, ces collèges soient ouverts aux enfants pauvres. Enfin, disons qu'il y a des bouleversements dans la société de l'époque, Philippe Rocher. Oui, ce qui est fondamental depuis l'ouverture du collège romain, dont la devise, c'est la gratuité de l'enseignement. Bruno Pousset insiste à juste titre sur la formation des professeurs, mais ce sont des professeurs aussi qui assurent, lorsqu'il s'agit d'externat, un enseignement gratuit. Et donc les édiles des grandes villes n'ont qu'à faire appel à un corps de professeurs déjà formés, leur assurer un bâtiment, leur assurer le couvert, leur donner évidemment un budget de fonctionnement, et ils assurent cet enseignement qui est de très haute qualité et qui permet à des familles, alors disons pour aller vite de l'aristocratie jusqu'à une petite bourgeoisie dans certaines régions, et d'acquérir comme ça un enseignement vraiment de haut niveau. Je voudrais quand même faire une petite séquence, je dirais, émotion, parce que vous avez lu ce courrier de Ignace de Loyola. Il est daté du 11 mai 1556. Il est très émouvant parce que je dirais qu'il y a tout Ignace et tous les jésuites dans cette lettre-là. Ignace va mourir quelques semaines plus tard, il meurt le 31 juillet, Anglais. Et on trouve dans ce texte-là, d'abord ce personnage formé, qui a été une sorte d'athlète, qui s'est beaucoup dépensé, en particulier lorsqu'il était à Morez, et qui a un grand souci de la santé. De ses, donc il faut pas trop travailler dans les études de ses professeurs, de les scolastiques, les jeunes religieux ne doivent pas se mortifier, enfin il faut laisser une place au corps, on le dit aussi pour les élèves, et donc il insiste beaucoup sur cet aspect-là. Il y a aussi autre chose dans ce texte-là, être les meilleurs aussi pour imprimer, pour marquer, pour impressionner dans la société et faire en sorte que le collège rayonne dans le monde dans lequel il est. Donc il faut être meilleur pour pouvoir rayonner au sein de la société. Et là, il y a un lien entre le collège et la cité de son temps. Mmh. Et vraiment, Ignace, donc, est dans ces dernières années, il insiste sur, je dirais, l'état de santé des personnes, il personnalise toujours, mais il a aussi cette idée de l'institution comme un lieu ou un foyer de rayonnement dans la cité. Et en quelques mots, même si ce n'est qu'un extrait, il arrive à faire passer tout ça. Et c'est ça qu'il faut retenir de sorte de testament un petit peu d'Ignace. Bruno Pousset, effectivement, il y a cette dimension que vous avez déjà pointée du doigt tout à l'heure, d'une exigence de l'enseignement, d'un travail acharné pour pouvoir à la fois se pénétrer de la culture classique, mais également de la culture chrétienne, et également des moments où on autorise d'une certaine façon un certain, entre guillemets, relâchement dans la journée de travail. Vous avez parlé de la récréation, vous avez parlé de ces moments de pause qui sont nécessaires pour pouvoir ne pas être submergé par le savoir que l'on reçoit. Oui, alors il faut bien souligner cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect d'une vie équilibrée. Alors, sachant que le temps d'enseignement, le temps d'études, le temps d'exercice permet aussi, dans la journée, de répartir les choses de telle manière que, à la différence de ce qui se passait pour l'essentiel dans les universités, l'élève ne soit pas simplement un auditeur passif, alors que désormais, il est mis en mouvement. Et aussi, il est amené à se reposer, etc. Alors théoriquement, je vous rappelle quand même que dans la récréation, il était interdit par les Français, au moins dans le 1er siècle, et qu'il fallait échanger à latin. Rappelez-vous les critiques de Montaigne au collège de Guyenne à la fin du 16e. Alors il faut aussi souligner, on a parlé externa-interna. Progressivement, les choses vont s'inverser. Progressivement, et alors ça va être surtout après au 19e siècle, le collège jésuite va être, comme les lycées d'ailleurs, un lieu d'internat. Et la gratuité va un peu s'estomper, forcément. Parce que, comment c'était organisé? Je vous donne un exemple de comment était organisée la gratuité dans une ville comme Amiens, où il y avait un collège jésuite qui a été créé au début du XVIIe siècle. Eh bien, on faisait payer les morts. Le collège était en face du cimetière. Et donc, chaque fois qu'il y avait un enterrement, il y avait une redevance, et cette redevance était versée au collège jésuite, ce qui permettait d'assurer les gratuités, puisqu'il était propriétaire du terrain. Et ça va durer jusqu'au moment de la Révolution, quand le cimetière disparaîtra. Que sont ces règles communes à tous les professeurs des facultés supérieures que vous nous avez fournies pour que Daniel Königsberg puisse nous en lire un extrait, Bruno Pousset? Alors, les règles communes pour les facultés supérieures, ça veut dire que il y a d'abord des livres fondamentaux qu'il faut avoir lus en philosophie, par exemple. Alors, par rapport à Thomas d'Aquin, il y a Aristote, il y a Thomas d'Aquin, qu'il faut parfois prendre avec certaines distances. Ils sont capables de, d'interroger un peu la doctrine, parce qu'il faut qu'elle soit adaptée, justement, à cette période de reconquête. Puis après, il y aura le grand moment, comment intégrer Descartes, lorsque Descartes mettra en cause, justement, le socle. Qui était celui, le socle aristotélicien. Donc ça viendra après. Et d'ailleurs, ça viendra après notre émission, puisque toute la semaine des chemins de la philosophie est consacrée justement à Descartes. Un extrait de ces règles communes à tous les professeurs des facultés supérieures, lu par Daniel Königsberg. Fin. Le professeur sera particulièrement attentif à ce que, aussi bien dans les leçons, quand l'occasion s'en présentera qu'en dehors de celle-ci, il porte ses étudiants au service et à l'amour de Dieu et des vertus par lesquelles il faut lui plaire, attentif à ce que toutes leurs études se rapportent à cette fin. Il faut prier avant la leçon. Pour le leur remettre en mémoire avant de commencer la leçon, quelqu'un récitera une courte prière composée à cette fin. Le professeur et tous les élèves l'écouteront attentivement, la tête découverte, ou au moins le professeur lui-même se fortifiera du signe de la croix, la tête découverte, puis il commencera. Il faut soutenir la piété des élèves. En outre, le professeur aidera ses élèves par de fréquentes prières à Dieu et par les exemples de sa propre vie religieuse. Il conviendra de ne pas omettre les exhortations, au moins la veille des jours plus solennels et lorsqu'on accorde des vacances un peu plus longues. Il les exhortera surtout à prier Dieu, à examiner leur conscience le soir, à s'approcher fréquemment et dans les règles des sacrements de pénitence et d'eucharistie. Il les exhortera à entendre la messe chaque jour, le sermon chaque jour de fête, à éviter les habitudes coupables, à détester les vices, à cultiver les vertus dignes d'un chrétien. Il faut obéir au préfet. Il obéira au préfet des études dans tout ce qui regarde les études et la discipline des classes. Il lui remettra pour examen toutes les conclusions avant de les exposer. Il n'entreprendra d'expliquer aucun livre ou auteur hors du programme. Il n'introduira aucune nouvelle coutume d'enseigner ou de disputer. Mesure dans la réfutation. Dans les questions où l'on est libre de suivre n'importe quel parti, on défendra un parti tout en examinant l'autre avec mesure et bienveillance. Surtout celui du professeur précédent, s'il avait enseigné le contraire. Bien plus, si l'on peut concilier les autorités, il est souhaitable de ne pas le négliger. Enfin, le professeur se comportera avec mesure en citant ou réfutant les autorités. Philippe Rocher, quand on lit ces textes, et en particulier le dernier paragraphe sur les mesures dans la mesure dans la réfutation, on voit bien effectivement qu'il ne faudrait pas non plus aller trop loin dans la façon d'envisager cet enseignement jésuite en particulier, et considérer qu'il y a là le début d'un débat démocratique. On a le droit de débattre, mais dans des règles extrêmement fixes, et en ayant effectivement en tête qu'il ne faut pas aller, le professeur n'avancera pas, c'est dans un autre partie de ce texte, d'opinions inutiles, obsolètes, absurdes et manifestement fausses en l'occurrence. Oui, il ne faut pas offrir évidemment à ceux qui sont en cours de formation l'exposé de doctrines inutiles. En revanche, il faut attendre qu'ils soient suffisamment formés pour pouvoir réagir, pour pouvoir exercer un esprit critique. Donc là, on sent toute la prudence, une fois encore d'Ignace, qui avait connu ces difficultés. Il a été accusé, je l'ai dit, par l'Inquisition, soupçonné tout au moins, mis en prison d'ailleurs. Et l'idée du professeur, c'est qu'il faut qu'il fasse connaître, qu'il suggère éventuellement, mais qu'il attende que l'élève soit en mesure de s'approprier et de discuter, de critiquer ce qui serait considéré comme quelque chose étranger à l'opinion commune de l'Église. Ça, Ignace et les textes le répéteront, et ça c'est toute l'histoire de la compagnie jusqu'au XXe siècle, d'où certaines difficultés. C'est l'idée qu'il faut essayer de se lier à l'opinion commune, à ce qui est professé communément, et éviter, alors on réserve la lecture de certains ouvrages discutables, ou en tout cas certaines opinions, à des esprits avertis. D'où la nécessité souvent d'expurger les textes et d'empêcher la lecture d'ouvrages interdits. Bruno Pousset. Oui, justement, par exemple, les classiques dont on a parlé tout à l'heure, il est très clairement indiqué que parfois, lorsque... C'est trop licencieux, par exemple, bien, on réécrit sans vergogne une partie... Je pense qu'on va pas lire l'art d'aimer d'Ovide, par exemple. Par exemple, dans les collèges jésuites. On va parler un petit peu, mais on va réécrire ce qu'il faut réécrire. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est de souligner, c'est cette prudence, mais cette prudence qui a causé, provoqué le succès de la compagnie, à terme, va provoquer des difficultés et une stérilisation de la ratio studio room. Par exemple, lorsque la nouvelle physique va se mettre en place, va être discutée, ça va être compliqué pour certains jésuites novateurs vont essayer de présenter cette nouvelle physique. Ils vont être condamnés. Et il faut dire sur ce point, en l'occurrence Philippe Rocher, que cet enseignement des classiques tel qu'il a été conçu au XVIe siècle n'est plus totalement adapté au XVIIIe. Il faut terminer là-dessus parce que nous terminons notre émission et que le siècle des Lumières, de l'encyclopédie, va venir contrebattre, pourrait-on dire, enseignement des classiques, en particulier pour tout ce qui est du développement des nouvelles sciences. Oui, on peut dire que le 18e, par rapport au 17e, c'est le siècle durant lequel les jésuites sont sur la défensive. Il y a quelque chose de beaucoup plus offensif qui est en phase 2, évidemment, la grande philosophie des Lumières, l'apparition des sciences, et qui les déroute complètement. D'autant qu'il y a vraiment une critique de plus en plus insistante contre leur place dans l'enseignement et dans la société. Absolument. Et il faut dire que vous transcrivez dans votre goût de l'excellence de nombreuses annexes, et qu'il y a ce très charmant article jésuite de Gabriel Compayré, qui est un des grands amis, pourrait-on dire, de la nouvelle école laïque à la fin du 19e siècle, dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, où il dit « L'éducation jésuitique a été combinée en définitive plutôt pour former des gentils hommes aimables que pour créer des âmes humaines complètes et en possession de toutes leurs forces. Elle n'est pas assez générale. » Merci à tous les deux. Merci à vous, Bruno Pousset, d'avoir choisi les textes qui ont été lus aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences de l'éducation à l'Université de Picardie Jules Verne, au laboratoire CAREF. Et merci à vous, Philippe Rocher. Vous êtes docteur en histoire et auteur du Goût de l'excellence, 4 siècles d'éducation jésuite en France, chez Beauchesne. On parlera d'ailleurs de l'enseignement laïque jeudi dans l'émission, puisque nous travaillerons sur l'invention de la morale laïque. Merci à Daniel Koenigsberg qui a lu tous ces textes. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille, Céline Leclerc. Jacques Hubert était aujourd'hui à la technique avec nous à Paris. Et il faut remercier Radio France qui a accueilli dans ses studios à Lyon Philippe Rocher. Renaud Dalma était à la réalisation. Et puis, il faut aussi remercier de l'autre côté de son poste Caroline Jounotion qui a sketch-noté, comme on dit. Vous saurez demain ce dont il s'agit en allant sur le site de la Fabrique de l'Histoire. Sketch-noté l'émission de ce jour sur l'enseignement jésuite. On en parlera demain avec un autre sketch-noteur, Yann Poisson.